soir, il n'y a plus rien qui va. Je ne m'habitue pas, mon cœur tombe dans le coma. Alice, sans toi, le jour n'éclaire que du vide. Regards sont tous mélancoliques. Il n'y a plus rien de magique. Les rues sont devenues alcooliques. Alice, sans toi, le froid s'enorgueille, se glisse. Tout ma peau dans le moindre interstice. Plus rien ne m'échappe. Les heures me font la gueule.